Bonjour ou bonsoir, selon l'endroit où vous situez. C'est un plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro de Forum Jeunes. C'est l'émission qui se tient tous les lundis à partir de 17h sur la radio Isanganiro. Et aujourd'hui, on va parler du métier de styliste. C'est un métier de la mode consistant à imaginer et dessiner des modèles destinés au prêt-à-porter. La personne exerçant son métier est appelée un styliste ou une styliste. Et le styliste est aussi appelé fashion designer. Le stylisme est un métier créatif. Il peut se faire avec des outils de dessin traditionnels, mais également avec l'aide d'outils informatiques. Ce métier commence à prendre de la place dans la vie des jeunes via des jeunes créateurs. Et cela se voit à travers des différents événements qui sont organisés à Bujumbura ou ailleurs. Quels sont les avantages que présente ce métier et quelles sont les contraintes que rencontrent les stylistes dans ce métier? Pour tenter de trouver des réponses à ces questions, nous sommes dans nos studios avec un invité, Pascal Nigarura. Il est styliste dans une maison appelée Bedel Fashion. Bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour. Il était également prévu qu'on soit avec un mannequin pour qu'elle nous partage son expérience avec les stylistes, mais elle n'a pas pu être de notre côté. Mais ce n'est pas grave, on va continuer avec notre invité. La mise en onde est assurée par François Kimana. Et au micro, vous êtes avec Alida Ndaikeza. Cette émission, vous pouvez la retrouver sur notre site www.isanganiro.org ou sur notre page Facebook Forum Jeune / Radio Isanganiro. Bienvenue encore. Isanganiro, la radio de l'avenir. Pour entrer dans le vif du sujet, commençons par une première question. Pascal, quand est-ce qu'avez-vous commencé à être styliste? Bien, ça fait au moins 2 ans. 2 ans? Oui. Mm-hmm. Et ça vous est venu comme ça ou c'est quelqu'un qui vous a influencé? Comment est née l'idée d'être styliste? Oui, ça m'est venu comme ça parce que lorsque je suis à l'étranger en Côte d'Ivoire, j'ai vu beaucoup de jeunes. Ils étaient vraiment encouragés de faire le stylisme. Et moi aussi, lorsque je suis retrouvé chez moi, dans mon pays natal, j'avais un ami qui faisait le stylisme. Je l'encourageais beaucoup. Comment nous aussi, on peut faire la créativité et le stylisme aussi au Burundi. Et puis l'idée est venue comme ça. On a commencé maintenant à des activités. Est-ce que quand tu étais à l'étranger, c'est là où est née cette vocation ou même avant que tu partes, tu avais déjà la manie de toucher le tissu, de vouloir faire quelque chose? Ou tu as appris par après? Non, lorsque j'étais à l'étranger, l'esprit vraiment est né lorsque j'étais à l'étranger. Mais au retour du pays, au pays, c'est là où tu as vu que tu pouvais faire quelque chose. Oui, exactement. Avec votre ami. Oui. En quelque sorte, vous avez été influencé par votre ami ou c'est vous qui l'avez influencé? Oui, avant que je parte en Côte d'Ivoire, il m'a fait investir, qui m'a appris beaucoup. Oui. Toujours, je voyais les gens me dire, ah, ton veste est très joli. Toujours, j'ai pensé, mon ami, mon ami peut faire quelque chose. S'il continue de ces choses comme ça, il peut aller très loin. Lorsque je suis trouvé en même temps, je l'ai influencé avec cette idée. Oui. On aime voir les couturiers. Est-ce qu'il y a une différence entre couturier et styliste? Oui, exactement. Il y a une différence. Si qui dit tailleur, qui dit styliste, un tailleur, c'est quelqu'un qui s'assoit quelque part dans sa maison, qui a loué peut-être. Lui, déjà, il va les envoyer des tissus ou bien des pagnes. Il va présenter déjà les modèles. Les modèles qui dans le catalogue. Et puis, déjà, il faut choisir le modèle qui convient. Non, donc, lui, il n'est pas là pour créer les modèles. Non. Le couturier ou le tailleur, comme on aime le dire, il ne fait que répéter ce qui a été dessiné par quelqu'un d'autre. Oui, exactement, exactement. Maintenant, qui dit styliste? Un styliste, tu peux te présenter comme ça. Il va te garder selon la taille que tu as. Il va imaginer un modèle qui te convient. En même temps, il va dessiner, il va te présenter. Si ça te prend, tu vas accepter ou si tu n'acceptes pas. Mais toujours, un styliste, donc, il a un esprit de créativité pour voir qu'est-ce qu'un une personne peut aimer. Mm-hmm. C'est ça qu'on appelle un styliste. Un styliste. Ah ouais. Des fois, il y a des stylistes qui ne travaillent pas à la machine, donc ils dessinent seulement les modèles, mais ils envoient les modèles à quelqu'un d'autre pour les coudre. Est-ce que le styliste peut faire aussi la couture ou il est seulement là pour dessiner les modèles? Oui, ça n'empêche. Mm-hmm. Ça n'empêche. Un styliste, il peut dessiner les modèles. Mm-hmm. En même temps, il va coudre. Mm-hmm. Oui, oui. Mm-hmm. Il y a deux catégories. Mm-hmm. Il y a un styliste qui peut dessiner simplement, il va envoyer mm-hmm. les modèles aux gens. Mm-hmm. L'autre, il va en même temps coudre le modèle. Les modèles. Mm-hmm. Ah. Et vous êtes dans quelle catégorie? Nous, vous êtes celui qui dessine seulement ou celui qui va coudre également? Moi, je dessine en même temps. Tu fais les deux? Ah ouais. On va faire des commandes par après. Mmh. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de dessiner des modèles, de les coudre et de les donner à un mannequin, une mannequin, et qu'elle refuse de les porter? Ça s'est déjà arrivé? Non. Mmh. Pas encore. Mais peut-être tu peux le faire à quelqu'un. Mmh. Il est venu selon, comme tu vois, il y a trois catégories peut-être. Il y a les enfants, mm-hmm. il y a les adultes. Mm-hmm. Si un adulte vient, moi, regardez ma taille. Mm-hmm. Fais-moi un modèle qui me convient. Mm-hmm. Et puis, tu imagines, tu dessines en même temps, tu lui donnes un modèle. Mm-hmm. Et puis, tu écoutes, parle après. Mm-hmm. Il peut refuser. Il dit, ah non, moi, je ne pense pas, ce n'est pas comme ça. Mm-hmm. Oui. C'est comme ça, c'est les choses. Et qu'est-ce qui se passe par après? C'est si quand tu as fini de coudre et il te dit qu'il n'aime pas le modèle. Ah, oui. En même temps, tu vas chercher une idée de créativité, de chercher pourquoi la personne n'a pas aimé ça. Mm-hmm. Alors qu'au début, tu lui avais montré le modèle. Exactement. Mm-hmm. Oui. Et pour les événements que vous organisez ici à Bujumbura ou ailleurs, oui. Est-ce qu'il peut arriver qu'un mannequin refuse carrément de mettre quelque chose? Disons, donnons un exemple. Par exemple, en habit vraiment déshabillé, presque nu. Qu'est-ce que le styliste peut faire là? Non, un mannequin ne peut pas refuser. Mm-hmm. Un mannequin ne peut pas refuser. À voir que mannequin porte l'habit là, mm-hmm. il va venir faire mm-hmm. un essai. Mm-hmm. Il va faire un essai. Mm-hmm. S'il a fait un essai, il peut dire, ça me convient ou ça ne me convient pas. Mm-hmm. Donc, c'est comme ça. Mm-hmm. Yeah. Donc, le mannequin ne peut pas refuser. Non. Surtout que vous déterminez au préalable les thèmes sur lesquels vous allez travailler au cours des événements. Exactement. Donc, si le mannequin répond à l'invitation, c'est qu'il est déjà d'accord avec votre thème. Oui, oui, oui. Mm-hmm. Parlons pour ce qui est des clients. Est-ce que vous, Pascal, c'est vous qui allez chercher les clients ou les clients s'amènent eux-mêmes? Comment vous travaillez, question marketing, vente de vos produits? Ok, concernant le marketing, mm-hmm. d'abord dans notre maison d'habillement, mm-hmm. qui est Bedel Fashion. Bedel Fashion, mm-hmm. il y a les gens qui sont chargés de marketing. Mm-hmm. Donc, chez nous, nous avons des clients permanents. Mm-hmm. Nous, on ne peut pas aller chercher ailleurs des crayons. Mm-hmm. Si moi, j'écoute pour vous, mm-hmm. la personne qui va voir le modèle, personne, il va demander mm-hmm. qui t'a fait ça. Mm-hmm. Donc, vous devez faire de jolis modèles pour que la clientèle s'amène elle-même. Exactement. Mm-hmm. C'est comme ça qu'on fait. Mm-hmm. Nous, on ne peut pas aller chercher les crayons. Mm-hmm. C'est les crayons aimés qui s'amènent, mm-hmm. qui nous approchent mm-hmm. chez nous mm-hmm. pour demander... Est-ce que moi aussi, vous pouvez me faire ce que vous avez fait l'autre? Mm-hmm. C'est comme ça. Justement, par rapport à cela, faire mm-hmm. le modèle que tu as vu quelque part ailleurs. Mm-hmm. Par exemple, moi, je suis un peu menu, mm-hmm. mais je vois le modèle qui est allé à une personne plus mince que moi mm-hmm. et que je veux que tu fasses le même modèle que j'ai vu. Mm-hmm. Est-ce que il n'y a pas un problème qui peut s'opposer quand deux personnes de morphologie sont vraiment, vraiment différentes, mais que le client de deuxième ordre vient chercher le modèle du premier. Est-ce que ça ne peut pas être un problème quand quelqu'un exige que tu lui fasses un modèle alors que ça ne va pas avec sa morphologie? Puisque tu as dit qu'il y a des clients qui viennent quand ils ont remarqué les modèles que vous avez faits pour une autre personne. Oui, oui, oui. Souvent, ça arrive. Mm-hmm. Peut-être un client, il peut voir un modèle ailleurs. Mm-hmm. Comme ils ont notre contact, ils peuvent nous envoyer sur Facebook ou bien WhatsApp. Ah, mm-hmm. vous pouvez me faire des tels modèles. Mm-hmm. Nous, on peut demander, est-ce que vous avez vu où? Mm-hmm. Peut-être d'abord, j'ai trouvé sur les réseaux sociaux. Mm-hmm. Ou bien j'ai vu, c'est mon camarade, qui m'a donné ça. Mm-hmm. Oui. Ça, on va faire selon la personne, comment il nous a expliqué la modèle, comment mm-hmm. il a trouvé la modèle. Mm-hmm. C'est comme ça qu'on fait. Mm-hmm. On ne peut pas automatiquement accepter mm-hmm. la personne, si l'enfant, la modèle. Mm-hmm. Peut-être s'il a copié quelque part, vous avez trouvé où mm-hmm. pour qu'il n'y aura pas de mésentente mm-hmm. entre la personne. Mm-hmm. Là, il a pris le modèle. Mmh. Est-ce qu'avant de vous lancer dans le métier de stylisme, parce que là, je comprends que c'est vraiment quelque chose de lourd, qui est vraiment, c'est un métier avec qu'il faut exercer avec tact. Est-ce que quand vous avez commencé ou quand vous continuez à travailler tous les jours, vous suivez des formations pour mieux dire que si quelqu'un est de haute et de taille élancée ou courte ou grosse ou mince? Comment vous distinguez ce modèle peut aller à telle personne ou ce modèle peut aller à telle autre? Est-ce que vous suivez des formations? Oui, nous suivons des formations. Mm-hmm. On fait beaucoup d'identification, mm-hmm. beaucoup de recherches mm-hmm. pour voir est-ce que de telle personne, mm-hmm. si c'est, elle est large, elle est mince, elle est mm-hmm. comme ça, mm-hmm. on va faire ce quel modèle qui peut aller avec lui. Mm-hmm. C'est comme ça qu'on fait l'identification. Mm-hmm. Pour voir que toutes les personnes, on va coudre les habits, mm-hmm. ça les convient. Mm-hmm. C'est comme ça qu'on fait l'identification. On cherche d'autres stylistes. Mm-hmm. Comment ils paient? Comment ils cherchent les idées de créativité? Comment ils paient voir la idéologie des gens? Mm-hmm. C'est quel monde, c'est quelle modélation que nous sommes. Mm-hmm. C'est comme ça qu'on travaille. Mm-hmm. Yeah. Donc, quand quelqu'un vient chez vous, vous regardez dans ce qui est en vogue, mais en même temps, vous regardez sa morphologie. Exactement. Mm-hmm. Oui, oui. Donc, vous êtes toujours à la page, quoi. À la page, yeah. mm-hmm. oui. Et quand vous avez commencé, quels ont été vos débuts? Vous avez commencé avec une machine, plusieurs machines? Vous avez commencé étant seul ou un groupe d'amis? On a commencé avec une machine. Mm-hmm. Peu à peu, mm-hmm. on a encore des machines. Mm-hmm. Lorsque maintenant on a cette idée de créativité, de faire le stylisme ici au Burundi, mm-hmm. c'est maintenant on a pensé, est-ce qu'on va rester nous seulement ou mm-hmm. bien on va mm-hmm. sensibiliser les auteurs mm-hmm. d'aimer notre métier. Mm-hmm. C'est la raison pour laquelle on a invité certaines jeunes mm-hmm. de se grouper afin que nous pouvons mm-hmm. arriver très loin. Mm-hmm. Ce n'est pas nous seulement. Mm-hmm. Nous avons d'autres personnes. Il y a 12 mannequins qui travaillent ensemble en collaboration. Mm-hmm. Il y a d'autres qui travaillent dans des services différents. Mm-hmm. Mm-hmm. Donc, vous avez commencé avec une machine. Oui. On peut parler de problèmes de budget au début ou c'est un choix délibéré. Oui, oui, oui. C'était un problème de budget. Oui, c'était un problème. Si c'était un problème pour le commencement, quels sont les autres problèmes auxquels vous faites face quand vous êtes en train d'exercer votre métier? Ce que nous constatons aujourd'hui, donc beaucoup de personnes n'ont pas encore éveillé mm-hmm. concernant le stylisme au Burundi. Mm-hmm. Donc, ils aiment de s'habiller. Mm-hmm. Ils aiment de s'habiller dans mm-hmm. des modèles, des bras. Mm-hmm. Mais nous, alors que ça ne correspond pas à la culture burundaise. Non, ça ne correspond pas à la culture burundaise. Nous aussi, mm-hmm. nous cherchons que nos frères, nos sœurs burundaises, mm-hmm. qu'ils aiment détruire notre culture burundaise. Mm-hmm. Par exemple, l'épargne. Mm-hmm. Nous avons une idée de créativité pour que tous les Burundais mm-hmm. puissent habiller mm-hmm. l'épargne mm-hmm. de notre pays, mm-hmm. qui est exactement fabriqué dans le côté bon. Mm-hmm. Oui, mm-hmm. c'est ça notre idéologie. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on peut dire que vous avez gagné dans ce métier de stylisme, à part l'argent? Parce que vous gagnez de l'argent quand même. Mm-hmm. Vous ne le faites pas gratuitement. Oui, oui. Mm-hmm. À part l'argent, qu'avez-vous déjà gagné? Est-ce que vous voyagez? Combien d'événements avez-vous déjà organisés? Non, ou les opportunités que vous avez déjà eues à travers ce métier? Donc, on a déjà gagné beaucoup de choses d'abord. Mm-hmm. Il y a l'amitié qu'on a liée avec beaucoup de personnes. Mm-hmm. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de contacts. Mm-hmm. C'est le premier événement qu'on a fait mm-hmm. à l'IFB le 31 mars. Mm-hmm. C'est la première collection qu'on a fait. Mm-hmm. Là, on ne s'attendait pas à l'argent. Mm-hmm. On s'attendait quoi? Que notre nom mm-hmm. puisse aller très loin. Mm-hmm. C'est ce que mm-hmm. nous voulons. Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. c'est pas que la religion que nous cherchons. Mm-hmm. On veut que votre nom, le nom de la marque soit connu. Soit connu, mm-hmm. très loin. Mm-hmm. C'est ce que nous voulons. Mm-hmm. Oui, oui. Donc, est-ce qu'il vous est déjà arrivé, vous avez dit que vous avez créé des liens d'amitié avec d'autres. Est-ce que vous avez déjà pensé à vous installer? Vous travaillez seulement à Bujumbura ou même en province? Nous travaillons seulement à Bujumbura. Mm-hmm. Voilà. Avez-vous déjà pensé à faire des ouvertures pour aller ailleurs? Oui, oui, exactement. Notre idéologie, ce n'est pas seulement de l'Est, ici au Burundi, mm-hmm. précisément à Bujumbura. Mm-hmm. Nous pensons toujours à nos frères qui mm-hmm. sont à l'intérieur du pays. Mm-hmm. Toujours, nous travaillons pour que nous allons arriver partout mm-hmm. pour faire comprendre les jeunes mm-hmm. l'importance de cet idéalisme ici au Burundi. Mm-hmm. Une autre question. Est-ce que quand vous faites ce métier, vous êtes un garçon, un homme? Vous êtes un homme. Oui, mm-hmm. oui, exactement. Est-ce que dans votre environnement, dans votre univers, chez vous, dans la famille, est-ce qu'il n'y a pas de contraintes que vous avez connues? On n'est pas trop habitué à voir des hommes stylistes. Est-ce que cela n'a pas été un handicap pour vous, pour l'annoncer à votre famille, genre, je vais commencer à être styliste, je vais travailler sur les habits des gens. Cela n'a pas handicapé votre parcours? Non. Mm-hmm. Non, ça n'a pas handicapé mon parcours. Mm-hmm. Mais par l'après, ou bien par l'avantage, c'est beaucoup de personnes ont aimé ça. Mm-hmm. Oui, ils nous ont encouragés, la famille m'a encouragé, nous a encouragé beaucoup mm-hmm. pour que nous puissions faire la créativité. Parce qu'on ne peut pas laisser croiser les bras. Mm-hmm. C'est la promouvoir d'emploi. Mm-hmm. Je ne peux pas rester à la maison. Mm-hmm. J'ai fini mes études. Mm-hmm. Avant que je reste à la maison, qu'est-ce mm-hmm. que je peux faire? C'est moi, c'est ça que j'ai... On a passé de faire la créativité, mm-hmm. faire beaucoup de choses afin que nous pouvons nous-mêmes arriver très loin. Mm-hmm. Oui, on ne peut pas passer toujours que notre pays ou bien nos parents, mm-hmm. ils vont nous donner, ils vont nous aider. Nous-mêmes, nous avons les bras, nous avons la force. On peut faire quelque chose. Mm-hmm. Oui. Donc, quand vous travaillez tous les jours, où trouvez-vous les financements? Ou vous travaillez seulement avec les commandes? Est-ce qu'il n'y a pas des fois où les commandes, ça s'arrête? Non, on ne peut pas dire que souvent les commandes, ça s'arrête. Hein. Mm-hmm. Il y a beaucoup de commandes. Mm-hmm. Aujourd'hui, on a déjà beaucoup de commandes. Jusqu'à ce qu'on refuse d'accepter mm-hmm. les gens qui viennent vers nous. Mm-hmm. Parce qu'on n'a pas encore mm-hmm. agrandi notre mm-hmm. maison. Mm-hmm. Vous travaillez à combien en tant que styliste? On travaille à deux. À deux. Ah, mm-hmm. Oui. Mm-hmm. On travaille à deux. Ça ne joue pas à qui, donc on refuse donc à qui beaucoup de personnes. Mm-hmm. On travaille selon les commandes. Mm-hmm. Comme par exemple, mois d'avril, mm-hmm. on ne peut pas accepter d'autres habits. Mm-hmm. Jusqu'à... Donc il faut faire une commande un mois avant. C'est pas facile, hein? Oui, c'est pas facile. Donc, pour vos projets d'avenir, vous avez dit que vous voulez vous étendre pour les autres provinces, même à l'extérieur. Qu'est-ce qui vous rendrait la tâche vraiment facile pour que cela se réalise? Qu'est-ce que vous aimeriez avoir? Ce que nous aimerions avoir, c'est que nous allons chercher d'abord à trouver les moyens nécessaires mm-hmm. pour s'étendre partout. Mm-hmm. Maintenant, pour l'arriver... Là-bas, c'est pour avoir des sponsors, mm-hmm. c'est pour avoir quelqu'un ou bien d'autres personnes qui peuvent nous soutenir. Mm-hmm. Nous-mêmes, nous savons, on ne peut pas y arriver comme ça. Mm-hmm. Mais au début, vous aviez dit que vous n'avez pas besoin d'aller chercher les clients. Mm-hmm. Est-ce que vous ne pensez pas que dans votre métier, il y a une part de marketing qui est nécessaire, qu'il faudrait intégrer le marketing pour aller chercher les clients? Avoir une ouverture dans notre province. Oui, oui, ça, on pense de le faire. Mm-hmm. Mais en attendant, on va toujours s'installer ici à Bujumbura. Mm-hmm. Mais pas après, mm-hmm. lorsque nous voyons que la maison est déjà grandie, il y a tous les matériaux nécessaires dans mm-hmm. la maison, ça, on va maintenant commencer à aller à l'intérieur. Mm-hmm. Mm-hmm. Je demande une transition et puis on va revenir dans les studios. Captez Isanganiro, écoutez la différence. C'est l'émission au Forum Jeune et on est en train de parler du métier de styliste. Et dans les studios, nous sommes avec Pascal Nigarura, qui est styliste dans une maison appelée Bedel Fashion. Bedel Fashion, le nom, c'est le nom de votre ami? Exactement. Mm-hmm. Et pourquoi il n'y a pas de Pascal? Non, ça c'est pas un problème. Mm-hmm. Lorsqu'on a ou c'est lui qui a commencé et puis toi tu l'as rejoint. Oui, exactement. Okay. Mm-hmm. Et quel message pourriez-vous lancer aux jeunes qui voudraient commencer le métier? Comment est-ce qu'il doit y avoir une formation pour commencer le métier? Oui, exactement. Nos frères et nos sœurs boulondaises, nous les invitons d'avoir un esprit de créativité. Est-ce que cet esprit, on l'a directement ou il faut d'abord avoir une formation? Oui, exactement. Ils peuvent avoir une formation quelconque. Mm-hmm. Donc, parce qu'on ne peut pas se lancer dans un métier comme ça sans avoir une formation. Mm-hmm. Oui, c'est ça. Mm-hmm. Quand même, il faut d'abord détecter que tu es intéressé par le maniement de tissu. Oui. Mm-hmm. Exactement. Mm-hmm. Parce que dans le stylisme, d'abord, on peut avoir une idée, une idéologie d'aimer la stylisme. Mm-hmm. Parce qu'on ne peut pas aller faire quelque chose que tu n'aimes pas. Mm-hmm. C'est ça. Si tu aimes le stylisme exactement, tu vas aimer. Mm-hmm. Et puis en même temps, tu vas chercher l'esprit de créativité. Comment moi aussi je peux entrer là-bas? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour moi aussi aller ou faire ce genre de métier? Mm-hmm. C'est comme ça. Parce qu'on ne peut pas dire, ah, aujourd'hui, je suis styliste. Mm-hmm. Non. Tu es styliste en quoi? Des fois, je vois, il y a des jeunes ambitieux qui sponsorisent les événements, mais qui ne connaissent rien vraiment en ce qui concerne le dessin des modèles ou la couture. Est-ce que ceux-là, même s'ils organisent des événements en rapport avec la mode, est-ce qu'on peut les appeler des stylistes? Oui, on peut les appeler des stylistes. Mm-hmm. Parce qu'il a une idée. Mm-hmm. Lui, il donne les idées. Il dit, ah, si je vois telle personne, il peut s'habiller comme ça. Mm-hmm. Mais il ne sait pas de faire les dessins. Mm-hmm. Mais lui, il voit les choses dont l'habit qui va convenir la personne. Mm-hmm. Ça résout pas qu'il est dans cette organisation. Mm-hmm. C'est un styliste parce qu'il a les idées, il aime les métiers et puis il donne les idées, mais il n'est pas capable de faire quoi, de faire les dessins. Mm-hmm. Oui. Mm-hmm. On vient de coudre. Oui, oui. Ouais. Vous aviez déjà lancé un message à ceux qui voudraient embrasser le métier de styliste et à ceux qui sont déjà dedans. Comment ils doivent continuer leur travail, comment ils doivent se comporter pour mieux réussir? Dans le stylisme, les choses les plus importantes, c'est d'avoir la confiance en soi-même d'abord. Mm-hmm. Et avoir la confiance au client. Mm-hmm. Si... Justement, par rapport au client, on a déjà vu qu'il y a des couturiers, des stylistes qui ne respectent pas les rendez-vous qu'ils ont donnés. Oui, oui, c'est ça. C'est ça le problème. Pour gagner la clientèle, c'est la confiance. Donner confiance au client. Si tu ne donnes pas la confiance au client, automatiquement, l'écrivain va commencer à dire telle personne, il est marronnette. Mm-hmm. C'est un escroc. Tu vas voir un créateur, tu vas commencer à se cacher. Mm-hmm. Parce que tu as menti, tu n'as pas respecté le rendez-vous de telle personne. C'est comme ça qu'on travaille. Si tu ne travailles pas la confiance, automatiquement, tu vas tomber. Mm-hmm. Un autre message? Donc, le sérieux, il faut être sérieux au travail, respecter les rendez-vous, oui. Et pour mieux réussir, feriez-vous les contacts pour mieux vous développer? Pour mieux réussir dans un métier, toujours tu travailles. Mm-hmm. Tu ne badines pas avec le travail. C'est comme ça pour réussir dans la vie. Mais si tu commences à dénigrer ton travail, à faire des choses qui ne conviennent pas avec ton métier, tu es en train de gâcher le métier. Mm-hmm. Oui. Mm-hmm. Et être toujours à la page par rapport à ce qui est en vogue, les formations. Oui, exactement. Mm-hmm. Vous voyez, notre pays là, on est. Mm-hmm. Donc, tu dois chercher l'idée comment maintenant les Burundis vie. C'est maintenant qu'il va commencer à faire les habits qui conviennent avec la modernisation. Oui, oui. C'est comme ça la réussite vient. Oui. Est-ce qu'il faudra s'adapter au prix de, au pouvoir d'achat du client? Oui, oui, oui, exactement. C'est vrai. Oui, c'est donc, vrai. Il vous est déjà arrivé de baisser le prix par rapport au client qui vient? Oui, oui, oui, oui. Vous voyez, ici, dans notre pays, nous voulons faire quoi? Si on dit on va faire les habits qui conviennent tous les Burundis, regardez quoi? La vie des gens. On fait pas, un habit qui est trop cher, pour une personne qui a la vie simple. C'est comme ça, on travaille dans les métiers. Donc, tu balances. Et s'il vient chez toi quand il est, disons, mal habillé, comment tu vas savoir qu'il a un niveau, un pouvoir d'achat très, très mince, très maigre, et que tu vas lui dire, OK, je peux baisser le prix pour toi? Comment tu vas le savoir? Lui-même, il va s'exprimer. C'est pas moi qui va lui dire, je vais faire ça. Lui-même, il va s'exprimer. Il va donner ses idées. Moi, je veux ça, je veux ça. Mais mon moyen, c'est comme ça. Maintenant, je vais travailler selon la moyenne de cette personne. Pascal Nigarura, tu es styliste d'une maison appelée Bedel Fashion. Et c'est sur ces messages que nous allons clôturer cette émission d'aujourd'hui. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Et j'espère que Bedel Fashion va continuer à progresser. Exactement. Au micro, vous étiez avec Alida Ndaikeza. François Kimana assurait la mise en onde. Et je vous rappelle que cette émission, vous pouvez la retrouver sur notre site web www.isanganiro.org ou sur notre page Facebook Forum Jeune/Radio Isanganiro. À la prochaine.